Non, c'est en 32, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1. Ouais, bah oui. Thank you. Very nice sound bass. Very nice sound. Upright. Cafard, c'est con. Voilà, ça y est, j'ai le cafard. Machine. Thank you.